22. La connaissance ouverte. Lu par François Chenel. La connaissance ouverte. À quoi ressemble un colloque scientifique? Des personnes venues des deux hémisphères décrivent à un auditoire plus ou moins attentif le détail de leurs travaux. À la sortie, il suffit en général de se servir pour récupérer une copie de leur communication. Ainsi, un spécialiste de la théorie des ondelettes de l'université de Stanford repartira avec, dans sa mallette, l'intégralité des dernières avancées d'un chercheur de l'université d'Orsay, en région parisienne. Rentré en Californie, il pourra les décortiquer, tenter de reproduire les expériences du français et s'en inspirer pour faire avancer ses propres travaux. Imaginons maintenant la même scène dans un contexte d'entreprise privée. Le patron de Renault explique à la tribune comment ses équipes ont mis au point un injecteur électronique capable de réduire la consommation d'un facteur 10. Et face à lui, les représentants des firmes concurrentes prennent des notes. À leur retour, les ingénieurs mettent à profit cette découverte pour commercialiser des voitures tout aussi peu gourmandes. Ce parallèle est bien entendu absurde. Si la première scène, quoique un peu idéaliste, est banale, la seconde tient de la pure fiction. Cette comparaison cerne les spécificités de la production de connaissances scientifiques, mais au-delà. Quelles sont les raisons qui poussent les chercheurs à échanger, à rendre publics leurs travaux? Certains voient dans cette démarche de partage un ressort moral et politique. Pour le sociologue américain Robert Merton, les scientifiques partagent ainsi la norme du communisme, définie comme, je cite, propriété commune des biens. Les résultats de la science sont le produit de la collaboration sociale et ils sont transférés à la communauté. Ils constituent un héritage commun dans lequel la propriété du producteur individuel est fortement limitée. Cette caractéristique opposerait violemment la science ouverte et la science privée. La morale scientifique est incompatible avec la définition de la technologie comme propriété privée, écrit-il. Il serait ridicule de réfuter en bloc cette interprétation morale du goût des chercheurs pour l'échange et la coopération. Les mécanismes de la science ouverte sont cependant bien plus affûtés que ne le laisserait penser l'image du scientifique animé par le seul souci du bien commun. La recherche publique, comme privée, dispose de puissants mécanismes d'incitation. Dans le privé, les avancées technologiques sont guidées par le profit et le pouvoir. Une innovation induit un avantage concurrentiel qui fera gagner des parts de marché, créera de nouveaux débouchés, d'où l'importance d'en réserver le monopole afin d'exercer un pouvoir de marché sur les concurrents qui ne pourront l'imiter. Dans le domaine académique, les leviers sont d'une autre nature. Ce n'est pas la rétention et l'appropriation de ses travaux qui assurent la carrière d'un chercheur. S'il n'est pas propriétaire des résultats obtenus, ils lui sont en revanche attribués. Sa signature est le lien entre sa personne et les connaissances ainsi versées au pot commun des savoirs collectifs. La publication et l'évaluation par ses pairs lui permettent de tenir sa place et son rang, d'attirer de nouveaux collègues dans son équipe de recherche, d'obtenir de meilleurs postes ou des financements. La divulgation rapide de la connaissance est même encouragée. Il est crucial de publier le plus vite possible pour bénéficier, le premier, du crédit symbolique attaché à la communication de la connaissance. Je cite « L'ouverture de la connaissance ne signifie pas l'absence d'incitation individuelle. Dans le cas de la science ouverte, un mécanisme remarquable entre en jeu qui consiste à attribuer des droits moraux de propriété qui ne se concrétisent pas en droits exclusifs. Autrement dit, ils sont compatibles avec les normes de divulgation complète », écrivent Dominique Forêt et Liliane Hilaire-Pérez. Cette organisation particulière assure un capital de réputation, lequel est décisif pour obtenir des subventions et forme un dispositif très efficace qui offre des incitations non marchandes à la production de biens publics.